Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Radio Fadjet. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Et on va ouvrir l'émission aujourd'hui avec un peu de Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns, moi je l'adore. Pour moi, l'un des plus grands compositeurs d'ailleurs du 19e siècle. Hein. On a un peu négligé son œuvre à une certaine époque, mais aujourd'hui, elle revient vraiment en pleine lumière parce que la jeune génération musicale, beaucoup de musiciens aujourd'hui, jouent, enregistrent énormément Saint-Saëns. Il a abordé tous les genres, lui, l'opéra, la musique symphonique, la musique de chambre, pour piano, le ballet, tous les genres. Et il a même composé pour vraiment toutes sortes d'instruments, parce qu'il a composé bien sûr pour les instruments standards, c'est-à-dire piano, violon, violoncelle, mais aussi pour le trombone, pour la flûte, enfin vraiment pour tous les instruments possibles pratiquement. Bref, un compositeur essentiel. On va écouter une pièce pour violoncelle et orchestre de Camille Saint-Saëns, Allegro Appassionato, joué par la violoncelliste Anna Chang, l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome, et dirigé par Antonio Papano. Thank you. Allegro appassionato pour violoncelle et orchestre de Camille Saint-Saëns avec Anna Chang au violoncelle. Et l'orchestre, eh bien, c'était l'orchestre royal, l'orchestre de l'Académie de Sainte-Cécile, direction Antonio Papano. Continuons avec un peu de Grieg maintenant. Peer Gynt, musique de scène pour un drame d'Ibsen. Alors, c'est l'œuvre la plus célèbre de Grieg avec son concerto pour piano ultra romantique. Hein. Peer Gynt, moi, c'est l'histoire d'un fanfaron qui court le monde, qui séduit les filles, les abandonne, il lui arrive tout un tas d'aventures, et puis il finit par revenir au pays, donc en Norvège. Peer Gynt, donc l'œuvre la plus célèbre de Grieg, comme je le disais, qui est un compositeur qui a étudié à Leipzig parce qu'il ne trouvait pas ce qui lui convenait à Bergen, sa ville natale, en Norvège. La musique était encore peu développée dans ce pays. Et là, il a étudié donc sérieusement à Leipzig. Ensuite, il est reparti dans son pays où il a essayé de créer une école nationale norvégienne. Et puis, donc, il a composé un peu dans tous les genres aussi, lui, comme Saint-Saëns. Peut-être pas des ballets, d'ailleurs. Je ne me souviens pas qu'il y ait des ballets d'Edvard Grieg. On va commencer par écouter tout d'abord une pièce de Grieg qui s'appelle « Au matin », tirée de Peer Gynt. Et puis, on reviendra probablement en cours d'émission. Probablement non, on reviendra en cours d'émission sur ce compositeur. Thank you. matin, tiré du Peer Gynt d'Edvard Grieg avec l'Orchestre Philharmonique Royal, la direction Mark Ermler, un orchestre britannique. Un peu de Jean-Sébastien Bach maintenant avec les variations Goldberg, jouées au clavecin par Christophe Rousset. Alors, ces variations Goldberg, pourquoi Goldberg? Eh bien, c'est le nom d'un élève de Jean-Sébastien Bach, Johann Gottlieb Goldberg, qui est mort très jeune d'ailleurs, qui était excellent claveciniste, et la légende veut que ces variations aient été commandées à Bach par un ambassadeur, un comte qui vivait à Dresde et qui avait des insomnies et il demandait ce qu'on lui joue de la musique pour pouvoir s'endormir. C'est pas très flatteur pour la musique de Bach, hein. En tout cas, ce serait ce Goldberg qui jouait pour ce comte. Et Goldberg, il a pas laissé beaucoup d'œuvres d'ailleurs, pas très intéressantes d'ailleurs. Beaucoup de musicologues doutent que l'aria, le thème qui sert pour l'aria, eh bien, soit réellement de Goldberg, puisque c'est ce qui a été dit parfois. On va écouter l'aria des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, interprété donc au clavecin par Christophe Rousset. Thank you. Merci d'écouter Radio Fadjet le samedi et le dimanche de 11h à midi pour Discothèque Classique. C'était l'aria des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, interprété par Christophe Rousset. Allez, je vous emmène à l'opéra maintenant, avec Les Puritains, opéra de Vincenzo Bellini, le dernier opéra du compositeur, mort en 1835. Il a eu du mal à écrire cet opéra, il a mis plus de 9 mois, ce qui était assez rare à l'époque, on composait assez vite. Et ça se passe à l'époque de l'Angleterre sous Cromwell, où la musique était interdite. Bref, un opéra qui a été écrit pour Paris. On va écouter l'un de ses airs fétiches pour les sopranos, bien sûr. C'est donc interprété par Olga Peretiatko, l'Orchestre symphonique de la Radio de Hambourg, et dirigé par Enrique Mazzola. Oh. Ah, c'est toujours une pyrotechnie vocale que ces opéras du bel canto, un extrait des Puritains de Bellini avec la voix d'Olga Peretiatko. Et puis l'orchestre, eh bien, c'était celui de la NDR, l'orchestre de la radio de Hambourg, direction Enrique Mazzola. Et on va continuer avec un peu de la musique de Beethoven, l'un de ses trios, trio numéro 3, opus 1. Alors l'opus 1, évidemment, c'est la première œuvre inscrite au catalogue officiel de Beethoven, mais qui composait bien sûr bien avant la composition de ce trio. Ça va être interprété, ce qu'on va écouter, ça va être interprété par le Beaux-Arts Trio, que je considère comme le plus grand trio de l'histoire, enfin de l'histoire récente en tout cas. Donc un trio fondé en 1955 qui a perduré jusqu'en 2008, dernier concert, avec toujours Menahem Pressler au piano. Évidemment, le violoniste et le violoncelliste eh bien, ont été changés, certains sont morts, d'autres sont partis, mais un trio qui est toujours resté vraiment parmi les plus grands ensembles du monde, on peut le dire, et qui a eu le courage d'ailleurs de se créer, parce que dans les années 50, la musique pour trio était très très peu jouée, et évidemment, il y avait tout un répertoire à explorer. C'est ce qu'a fait ce Beaux-Arts Trio, mais alors vraiment dans les plus hauts sommets. Hein. On va écouter un petit peu de ce trio numéro 3, opus 1 de Beethoven, le final, interprété donc par cet ensemble mythique, légendaire, le Beaux-Arts Trio. Thank you. mouvement final prestissimo du trio opus 1 numéro 3 de Beethoven, interprété par le Beaux-Arts Trio. Et nous avons eu un très beau récital de musique espagnole lundi dernier, salle Poirel, avec les concerts de la LMC, l'Association Lorraine de Musique de Chambre, et Jean-François Esser au piano. Il a joué de Falla, et j'ai eu envie de revenir vers de Falla parce que je ne suis pas certain que ce soit un compositeur, d'abord qu'on entend beaucoup, et puis ensuite qu'il soit très connu. Alors il est né en 1876, il est mort en 1946, il est passé par le Conservatoire de Madrid, et puis ensuite il a gagné un concours avec son opéra, son premier opéra, La vie brève. On le retrouve de 1907 à 1914 à Paris, et là il va se lier d'amitié avec Ducard, Ravel, Debussy. Et tous ces compositeurs ont eu beaucoup d'influence sur lui. De Falla était andalou par son père et catalan par sa mère, et il s'est souvent nourri de la musique folklorique, traditionnelle espagnole. Il s'était fixé à Grenade, mais il a été vraiment dévasté par la guerre civile en 1936, et il a quitté l'Espagne pour l'Argentine, et c'est dans ce pays qu'il succombera en 1946 des suites d'une crise cardiaque. Alors parmi les grandes œuvres de Manuel de Falla, outre La vie brève, il y a bien sûr les Tréteaux de Maître Pierre, L'amour sorcier, et puis les fabuleux Nuit dans les jardins d'Espagne, Impressions symphoniques pour piano et orchestre, où on sent vraiment l'influence de Debussy. Voici une courte page pour piano de Manuel de Falla, Sérénade, interprétée par Benita Mechulam. Thank you. Sérénade de Manuel de Falla, interprétée au piano par Benita Metsoulam. Et on a écouté tout à l'heure, en début d'émission, un peu de la musique de Grieg avec Peer Gynt, l'une des pages les plus célèbres au matin. Eh bien, il y en a une autre qui est très célèbre dans cette musique de scène, c'est dans le hall du roi de la montagne. Allez, je vous la propose tout de suite. Du roi de la montagne, tiré de Peer Gynt de Grieg, avec l'orchestre philharmonique royal, direction Marc Hermler. Et vous écoutez bien Radio Fadjet, c'est votre magazine classique, discothèque classique, le samedi et le dimanche de 11h à midi. On continue avec Richard Strauss, l'un de ses leaders, Wiegen Lied, berceuse. Alors, Richard Strauss est l'un des grands compositeurs au tournant du 19e, du 20e siècle. Il a composé des poèmes symphoniques très célèbres, ainsi par la Zarathoustra, Till l'espiègle, Mort et Transfiguration, j'en passe et des meilleurs, des symphonies, symphonies domestiques, symphonies alpestres, et des opéras, et puis des mélodies, des leaders, mais en Allemagne on parle de leader évidemment, pour sa femme Pauline de Hanna. Bon, il n'a pas toujours écrit pour elle, mais enfin, il était marié avec une chanteuse qui ne lui a pas toujours rendu d'ailleurs la vie facile, parce qu'on dit qu'elle avait un caractère absolument incroyablement difficile, notre Pauline de Hanna, très très jalouse d'ailleurs. Et Richard Strauss, c'était quelqu'un d'assez simple finalement. Il aimait jouer aux cartes, il aimait la bonne chère. Il a traversé le nazisme comme il a pu. Certains jugent qu'il s'est compromis, d'autres qu'il a essayé de composer, si je puis dire, avec ce régime. Bref, on ne sait pas si on avait été à sa place, comment on aurait réagi. Donc, il est difficile de porter un jugement, ou tout au moins, il est facile aujourd'hui de porter un jugement. En tout cas, il était déjà âgé quand les nazis sont arrivés au pouvoir et il a réussi à se maintenir quand même à traverser cette période sans encombre. Il a essayé aussi de protéger ses petits-enfants puisque sa belle-fille, l'une de ses belles-filles, était juive. On va écouter un peu de cette musique de Richard Strauss, donc Wiegen Lied, un leader que nous allons écouter chanter par la soprano Renée Fleming, soprano américaine, entourée de l'orchestre symphonique de Houston que dirige Christophe Eschenbach. Du mein Süßling. Vegan Lead, leader de Richard Strauss, interprété par René Fleming, soprano, l'orchestre symphonique de Houston, était dirigé par Christophe Eschenbach. Un peu de baroque maintenant avec Telemann, Georg Philipp Telemann, 1681-1767. Vous aurez remarqué, hein, si vous écoutez régulièrement l'émission, que j'aime bien donner les dates, ça permet de situer dans le temps, évidemment, date de vie et mort. Alors, il était né à Magdebourg, d'une lignée de pasteurs. Et il a écrit, paraît-il, son premier opéra à l'âge de 12 ans. Ensuite, il s'est intéressé au droit, il a, comme beaucoup de compositeurs de l'époque d'ailleurs. Hein. Et puis, il est revenu vers la musique, évidemment, parce que c'était quand même sa passion, sa vie. Quoi, hein. Et il a eu différents postes, notamment à Leipzig, à Francfort. Mais c'est surtout à Hambourg où il se fixa définitivement à partir de 1721 comme cantor, qu'il a vraiment écrit une bonne partie de son œuvre. Et là, il dirigeait toute la musique de la ville de Hambourg, aussi bien l'opéra que la musique instrumentale et la musique d'église. Voici un concerto pour violon de Telemann, l'un parmi des dizaines et des dizaines qu'il a composé. Concerto en ré majeur pour violon, trompette, donc un double concerto qu'on va écouter avec Isabelle Faust au violon, l'ensemble Musica Akademie für Alte Musik de Berlin est dirigé par Bernard Fork. Thank you.

Dizzy Fingers, chanté par Zachary Wilder. Et on enchaîne avec Jean-Sébastien Bach, troisième concerto brandebourgeois. Pourquoi brandebourgeois ? Parce que sur le manuscrit tel qu'il a été retrouvé dans les années 1860, on a figuré l'inscription « 6 concerts dédiés au margrave de Brandebourg ». On écoute le troisième brandebourgeois, les deux derniers mouvements. Enfin, le deuxième est seulement suggéré, il ne dure pas longtemps. Et puis donc le final, joué par l'ensemble New London Consorts que dirige Philippe Piquette. Thank you. Le troisième concerto brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach avec le New London Consort dirigé par Philippe Piquet. Et pour terminer l'émission, les dernières mesures de la quatrième symphonie de Robert Schumann avec l'Orchestre Philharmonique Royal de Stockholm dirigé par Sakari Oramo. Conclusion de la quatrième symphonie de Robert Schumann avec l'Orchestre Philharmonique de Stockholm, direction Sakari Oramo. Voilà, c'est terminé pour ce week-end. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, le samedi et le dimanche, toujours sur Radio Fadjet, de 11h à midi, pour de nouvelles émissions de discothèque classique. Alors, je vous souhaite un bon dimanche pour commencer, et puis bien sûr, une excellente semaine. Allez, à très très bientôt, j'espère.